Claudia, Claudia, Claudia, écoute-moi. Tu sors des jupons de ta mère, tu ne sais rien de la vie. La vie qui peut faire ou défaire, les joies à l'infini. Tu as gardé tes boucles blondes, mais tu n'es plus une enfant. Tu vas connaître enfin le monde, me diras-tu comment? Sur les feux de la Saint-Jean voleront tes jupons. À pieds joints tu sauteras sur le cœur des garçons. Tu entres dans la farandole des cœurs s'ouvrant au printemps. C'est ton enfance qui s'envole sur les ailes du temps. Claudia, Claudia, Claudia, écoute-moi. Tu twistes trop et tu délaisses les vieux copains, les amis, les visages de ta jeunesse qui toujours te sourient. Tu vas chercher bien loin peut-être ce que tu as près de toi. Tu ne veux pas le reconnaître, pourtant écoute-moi. Claudia, je n'ai que mon cœur et mes mains à t'offrir. Et vois-tu, pour les amants, le monde est à bâtir. J'allumerai, je te le jure, mille et mille feux de joie. L'amour n'est pas une aventure. Claudia, écoute-moi. Claudia, Claudia, Claudia, écoute-moi.